art, culture et activisme, LGBTI et queer, une conférence en ligne organisée avec le soutien de l'Université de Lorraine, du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, du Centre de Recherche sur les Médiations, de la DRAC Grand Est et de l'association Couleur Gay, vous présente aujourd'hui une communication de Yacine Chemsi intitulée « La sexualité et l'espace dans les cours ouverts de Sébastien Lefschitz ». Les cours ouverts de Sébastien Lefschitz est l'une des premières œuvres artistiques qui porte sur la subjectivité de l'expérience sexuelle queer parmi la génération beurre en France pendant les années 90. Dans son article « Bodies That Water, Gender Generation and Subjectivity in Les Cours Ouverts », le chercheur australien Hardwick analyse les relations entre les Waterly Approaches et les concepts de l'identité et de la marginalité dans les cours ouverts. Hardwick considère Rimi comme un autre marginal qui est en transition de l'adolescence à l'âge adulte. Tout en admettant l'argument de Hardwick, la présente analyse adopte une optique qui prend en considération l'influence de l'élément de la culture franco-maghrébine et celui de la religion sur l'expérience subjective de la sexualité de Rimi en tant que beurre. Au moment où Rimi veut vivre sa sexualité de sa façon, l'espace où il vit refoule cette expérience sexuelle et la pousse à rester dans l'ombre. L'espace à cet égard influence de façon critique la sexualité de Rimi dans le sens où il vit une expérience queer dans le privé qu'il évite de déclarer dans le public. Ici, j'ouvre une parenthèse pour définir ce que j'entends dire par le privé et le public. Le privé, c'est tout espace que Rimi crée ou intègre pour vivre sa sexualité librement avec des hommes. Alors que le public est l'espace familial maghrébin et l'espace social français qui refoule la sexualité de Rimi. Donc dans le privé, il vit une fluidité sexuelle, il mène plusieurs relations sexuelles avec des hommes comme avec des femmes et il est content de le faire. Cependant, quand il s'agit de relations en public, on le voit refuser ou hésiter à les assumer. Ce refus est d'une part lié à son héritage religieux et culturel maghrébin qu'on voit se manifester dans l'espace familial, notamment à travers son langage avec son père, et de l'autre côté, au regard de l'autre, comme Eric et sa prof de gestion qui voit en lui un étranger et un autre. La pression de ces deux contextes fait en sorte que Rimi vit une sexualité plus libre dans le privé et très refoulée dans le public. Cette situation du privé-public dans lequel se trouve Rimi représente bien l'idée d'Iriban qui parle d'un regard de l'autre, c'est-à-dire le public qui transforme le sujet qui est Rimi, dans notre cas, en un objet et par la suite le stigmatise et le réduit au silence et à la honte. Rimi, comme dit Iriban, reprend le sens de sa sexualité de l'intérieur au lieu de l'accepter de l'extérieur pour construire son expérience sexuelle de queer. Le public lui impose une sexualité hétéronormative, mais aussi représente une autorité qui refoule sa queerness, alors que le privé est pour lui un espace où il vit son expérience de queer en toute liberté. La problématique de cette recherche est de réinterpréter l'espace où Rimi vit et d'analyser la relation conflictuelle de ce dernier avec sa sexualité. L'idée que j'avance dans mon analyse est que l'expérience sexuelle de Rimi n'est pas seulement liée à une transition entre l'adolescence et l'âge adulte, comme dit Hardwick, mais aussi de son appartenance à un espace social et culturel très complexe qui refoule cette sexualité et la réduit au privé. Rémi entame plusieurs relations sexuelles dans le film, mais on le voit plus avec des hommes qu'avec des femmes. Il se réjouit d'une liberté sexuelle au masculin, mais en même temps, il n'ose pas la déclarer publiquement. Il est tout à fait conscient de son appartenance à deux espaces culturels, à la fois complexes et différents, l'espace maghrébin et l'espace français. Et ni l'un ni l'autre pourraient accepter son expérience sexuelle de queer aussi facilement. Dans l'espace familial maghrébin, il est considéré comme musulman, issu d'une culture maghrébine conservatrice et très influencée par la mentalité patriarcale. Dans l'espace social français, il est vu comme un beurre issu de l'immigration et qui n'est ni blanc ni de culture chrétienne. Ces deux espaces, par conséquent, jouent un rôle très important dans le film et influencent la sexualité de Rémi de manière très critique et profonde. L'espace, tel qu'on le voit dans le film, est déjà représenté dans le domestique familial de Rémi, un papa qui s'habille au maghrébin, qui parle en arabe plus le français et qui adopte un discours religieux, une théière maghrébine dans la cuisine et des dattes sur la table dans la salle à manger. La maman est certes française, mais on ne voit pas son influence dans la famille car elle est déjà morte. Cependant, en tant qu'espace familial maghrébin, cet espace dans le film est généralement représenté comme un espace conservateur qui voit dans la queerness ou l'homosexualité des pratiques illégales, voire interdites. Quand Rémi, par exemple, était sélectionné pour jouer dans un film qui aborde la question gay, il en parle à son père et à sa sœur, mais il ne donne aucun détail. Il leur annonce juste qu'il va jouer dans un film. Si Rémi ne parle même pas du fait qu'il va jouer un rôle de gay dans un film qui ne doit pas forcément être réel, alors on ne peut certainement pas l'imaginer annoncer qu'il est un gay ou queer en vrai. De son côté, le père, quand il lui parle, il met l'accent sur deux choses principales. La première, c'est qu'il doit avoir le bac, car il pense que le bac serait un accès pour un avenir bien meilleur. Et la deuxième qui complète le bac, c'est qu'il doit avoir un corps fort et dur, car il s'inquiète pour lui et pour sa sœur. En parlant de corps fort et d'inquiétude pour son fils Rémi et surtout pour sa sœur, le père reproduit un discours qui est inspiré d'une culture maghrébine patriarcale. Un corps fort fait généralement référence à l'homme qui doit forcément avoir des caractéristiques de virilité et qui est capable de prendre en charge ses dépendants. Étant un père malade et dans l'absence de la maman, le papa veut que Rémi prenne la responsabilité de l'homme viril, hétéronormatif dans le futur et surtout par rapport à sa sœur. Autrement dit, le fait qu'il soit gay ou queer le positionne dans un rang inférieur à celui entre guillemets des vrais hommes qui peuvent assumer de telles responsabilités. Le discours du père en tant que discours patriarcal ne fait pas seulement réduire la femme à une position de dépendance sur l'homme, mais il ne prend pas en considération la sexualité potentielle de Rémi et sa queerness non plus. Pour lui, il est un homme et sa sexualité est par défaut une sexualité hétéronormative. Le caractère du père dans cet espace n'est alors que l'écho de toute une culture qui manifeste un discours purement hétéronormatif qui perçoit la société en termes de binarité homme-femme, dépendance-indépendance, virilité-féminité et corps masculin fort, corps féminin faible. Avec ce discours, on refoule la queerness de Rémi et on donne une seule et unique interprétation à sa sexualité. Un homme qui a une sexualité hétéronormative. Denis Provencher voit que les queer beurs ont souvent une tendance de quitter la banlieue et d'autres espaces comme la famille parce que ces espaces représentent beaucoup de peine et de souffrance pour eux. En outre, Rémy, selon cette vision, est alors sous contrôle d'un discours que Whiting décrit de discours hétérosexuel qui tourne autour de l'idée que ce qui fonde la société, toute société, c'est l'hétérosexualité. Autrement dit, ce discours hétérosexuel opprime toute autre minorité sexuelle telle que les lesbiennes et les gays. Et les empêche de parler. Son objectif, c'est de perpétuer une idée qui monopolise et qui contrôle la sexualité. C'est l'idée du placard de Provencher. Il voit qu'au moment où en Amérique, par exemple, on parle de l'idée de la sortie du placard qui déclare la mort de l'hétérosexualité normative pour adopter de nouvelles identités sexuelles, en France, le discours de la sexualité est plutôt à propos de la mort de l'inauthentique et la naissance de l'authentique qui représente le bon citoyen sexuel. L'influence de ce discours est clairement articulée par Lefschitz dans le film, surtout quand Marc propose à Rémy de jouer un rôle où il doit embrasser un homme et être dans une relation intime avec lui devant la caméra. Rémy hésite. Il dit à Marc qu'il n'est pas contre le fait de jouer cette scène ni d'être en relation avec un homme, mais qu'il se soucie surtout de la réaction de son père. Il dit à Marc « Je ne sais pas si mon père accepterait que je fasse des trucs comme ça. » En effet, tout au long du film, Rémy entretient des relations sexuelles avec des hommes et cela ne le dérange pas parce que ça reste dans le privé et que personne de son entourage ne le sait. Cependant, au moment où cela devient public et devant la caméra, on le voit hésiter vu que son apparition en tant que queer ou gay pourrait lui engendrer d'énormes problèmes. Rémy, dans cette situation, comme dit Iriban, s'est transformé à un objet par le regard de l'autre, c'est-à-dire l'objet d'un discours patriarcal de toute une communauté dont son père n'est qu'une petite illustration. Un discours qui, par la suite, selon Iriban, stigmatise Rémy et le réduit au silence ou à la honte par l'injure, par la dissymétrie qui assigne une place dévalorisée à l'homosexualité. En parlant du mécontentement de son père, Rémy articule le poids de toute une tradition et une culture patriarcale qui bloque la liberté sexuelle d'autrui quand cette sexualité sort de la norme. Le père, qui n'est que l'image représentative du patriarche, a un pouvoir absolu et malgré le fait qu'il est malade et qu'il bouge à peine de son lit, mais son pouvoir est très présent. Il a une grande influence sur la décision de son fils par rapport à sa sexualité. Le père dans cet espace dépasse largement le simple caractère ou le simple personnage et le membre de la famille qu'on voit dans le film à un symbole de patriarcat culturel qui domine le système de pensée auquel appartient Rémy. Le père n'est alors que l'écho et l'image représentative de ce système qui impose un style de vie et un mode de sexualité qui, selon lui, ne sort pas de la norme. Provencher voit cela dans la communauté maghrébine comme une illustration des rôles symboliques du genre, du nom de la famille et de sa réputation, ainsi qu'un discours normatif qui renforce l'idée du mariage et de la progéniture. En effet, l'autorité patriarcale est renforcée encore une fois par le rôle secondaire de la femme dans l'espace familial de Rémy. La représentation de la maman et celle de la sœur dans le film a très peu de pouvoir par rapport à la représentation de l'homme. La maman est totalement absente, elle est morte. Et le rôle de la sœur est très secondaire. Quand on la voit, elle est soit en train de faire des tâches ménagères à la maison ou en train de faire à manger à Rémy et à son père. Et tout comme Rémy, elle souffre, elle aussi, pour vivre sa sexualité. dans ce milieu qui opprime toutes sortes de sexualités hors normes, entre guillemets, voire même hors mariage. Le rapport entre les sexes n'est pas équilibré et cela donne encore plus d'espace au patriarcat, au patriarche, pour gouverner et pour faire ses lois moralement, mais aussi symboliquement dans l'espace familial de Rémi. Le rôle patriarcal dans le film est aussi représenté par Rachid, un beurre à qui appartient la supérette où Rémi travaille à mi-temps. Un jeune avec un caractère dur et agressif qui exerce une forte autorité sur Rémi dans la façon où il lui parle. On le voit une seule fois dans le film, mais la façon dont il parle à Rémi, c'est pour accentuer l'autorité. Il dit à Rémi « On en parle demain ». Ce qui veut dire que l'autorité dure et elle est là aujourd'hui et elle sera là demain aussi. L'autorité patriarcale que représente Rémi et son père dans le film est inspirée d'un héritage culturel et religieux qui aborde la question, ou bien les questions liées au sexe avec beaucoup de pudeur. Les gens ont certes des sexualités qui vont au-delà de la sexualité hétéronormative, comme on le voit bien avec le protagoniste Rémi. Cependant, le poids de la culture dont Rémi ainsi que son père appartiennent les pousse à la refouler, l'enfermer dans un espace privé et la vivre dans l'ombre. Cette sexualité selon la culture est considérée une sexualité hors norme et il faut qu'elle ne se manifeste pas publiquement. Dans cet espace, la virilité de l'homme représente une fierté sociale et familiale. Ainsi, la mentalité masculine domine la famille comme elle domine la sexualité dans l'espace familial et social. On voit cet héritage dans le comportement du père dans le film qui dit à Rémi « Il faut que tu sois un homme. Il faut que tu sois dur, mon fils. » Rémi reproduit ce discours envers lui-même en refusant de déclarer sa sexualité et envers sa sœur en contrôlant la sienne. En effet, toute pratique non hétérosexuelle est considérée comme une dérogation à cette virilité et une distorsion du caractère de l'homme dans la culture maghrébine dont Rémi et son père font partie. Dans un tel contexte, les relations non hétéronormatives sont non seulement vues comme un péché, mais aussi considérées comme une atteinte à l'éthique et aux fondements principaux de la communauté. Les relations queer peuvent alors mobiliser un esprit de haine et de refus. Et dans des cas, ils peuvent mener aux attaques physiques et à la violation des droits des minorités sexuelles. La queerness de Rémi, dans ce contexte, pourrait alors être perçue comme une idée qui viole les normes en vigueur et les traditions sociales de la communauté publiquement. Elle est alors refoulée par cet espace et Rémi l'a vécu dans le silence, loin des jugements et des embrouilles que cela pourrait lui apporter. Rémi est, malgré le fait qu'il n'est pas pratiquant, mais à plusieurs reprises dans le film, il articule un discours qui est purement religieux. Cette influence religieuse peut signifier pourquoi il n'est pas très content de la sexualité de sa sœur. Pourquoi il ne peut pas non plus rendre publique la sienne. Dans la scène où il est à table pour manger avec son père et sa sœur, Rémi parle de l'opportunité qu'il a eue pour jouer dans un film. Il décrit le nouveau travail comme un travail qui est mieux que son travail actuel dans l'épicerie. Il dit à son père qu'il aura la réponse dans quelques jours, Inch'Allah. L'expression d'Inch'Allah que Rémi utilise ici, qui se traduit littéralement à « si Dieu le veut », est une expression très commune à tous les musulmans et ça signifie la suspension de tout ce que le musulman veut faire à l'avenir sur la volonté de Dieu. Le poème que Rimi a écrit et qu'elle récite à sa petite amie quand il se retrouve dans une chambre à faire l'amour contient aussi une terminologie qui fait référence à un champ lexical religieux. Rimi, dans le poème, utilise une terminologie particulière où il met des concepts en face à face. Il parle de l'amour et du pardon, du regard et de l'oubli, du sourire et de la cage, des étoiles et du voile, de la lumière et de l'emprisonnement. C'est comme si Rimi nous parle d'une sexualité emprisonnée, un amour perdu, un voile qui cache tout ça, et enfin, si seulement il y avait le pardon et une lumière qui s'annonce pour que cette sexualité devienne visible. Le refoulement et le manque de visibilité se traduit dans le dialogue qu'il mène avec sa copine juste avant d'avoir lu le poème dans cette même scène. Il lui annonce « Si je te disais que je n'aime pas les femmes », sans écouter la suite de son message ou ce qu'il voulait exactement dire, sa copine a immédiatement réagi et l'accuse de misogyne. Cette déclaration de la part de Rimi à sa copine pourrait être interprétée comme une affirmation indirecte de sa queerness ou de son homosexualité. Cependant, le comportement de sa copine envers lui refoule cette initiative qu'il a prise pour lui parler de sa sexualité. Sa copine ici reproduit le même discours qui ne veut ni voir ni entendre parler d'une sexualité autre que la sexualité hétéronormative. Un discours qui est dans un premier lieu inspiré de ressources culturelles et religieuses et qui est aussi reproduit par le père de Rimi. Dans une scène, il prend Rimi dans ses bras, le serre contre lui et lui parle de l'importance d'un corps fort. Après, il ajoute « Que Dieu t'aide, mon fils », une expression qu'il répète pour trois fois. Dans une autre scène, quand Rimi l'aide à se mettre dans le lit, le papa répète le nom de Dieu trois fois en arabe. L'utilisation de ce genre d'expression par le père et le fait qu'il les répète plusieurs fois et encore plus en arabe montre à quel point il est attaché à sa culture d'origine, mais aussi à la religion, en faisant référence à chaque fois à Dieu. La forte présence d'un tel discours dans l'environnement de Rimi est parmi les raisons qui l'empêchent de déclarer sa queerness ou de parler librement de sa sexualité. Parce que ni la culture maghrébine conservatrice, ni la religion musulmane qui sont manifestées à travers le personnage de son père seront tolérants envers lui. En dehors de sa communauté maghrébine, Rimi n'est pas vraiment accepté dans le paysage français non plus. On voit ça bien dans la discussion qu'il entretient avec Marc au début du film. En demandant son nom, Marc est surpris du fait que le futur acteur de son film porte le nom de Rimi. Il le positionne déjà d'étranger, vu son apparence, car il n'est ni blanc ni blond. Comment il pourrait alors être un gay ou jouer le rôle de gay? Pour lui, Rimi n'est pas français et peut-être n'est pas possible qu'il jouera le rôle qu'il compte lui donner dans le film, qui est un rôle de gay. En justifiant pourquoi il porte un nom français, Rimi annonce à Marc que sa mère est française. Le discours de Marc ici rejette l'appartenance de Rimi à un espace français et le renvoie à son espace maghrébin. Ce rejet, on le voit bien à l'école, où Rimi n'arrive pas à suivre le cours normal des classes. En effet, quand on le voit en classe, il est toujours assis au dernier rangé. Il n'est pas vraiment concentré dans le cours. De plus, quand la prof lui pose une question sur la différence entre la croissance interne et la croissance externe de l'entreprise, Rémi n'arrive pas à répondre et la prof l'humilie. Le corps de Rémi est certes une entreprise qui fait une croissance interne en vivant sa sexualité dans le privé. Mais le fait qu'il ne répond pas à la question, ça veut dire qu'il est incapable de parler de la croissance externe de cette entreprise qui fait référence à son corps et à sa sexualité et qu'on opprime dans les deux espaces, dans ces deux espaces. Il se trouve dans un espace qui le rejette et qui refoule aussi sa sexualité. Ce rejet, on le voit bien dans le mouvement de Rémi, dans l'espace public, dans le film. Rémi circule dans les rues, toujours avec un casque sur la tête, comme si il est détaché de ce monde. Il marche tout seul, il se balade tout seul, et il s'assoit tout seul aussi. Son corps, en tant qu'entreprise, ne fait pas, comme la prof dit, de croissance externe. Elle est aussi très pensif, et même d'un point de vue cinématographique, Lefschitz renforce cette idée en prenant Rémi soit dans des extreme long shots, dans des gros plans, ou bien dans des long shots, toujours quand il marche dans la rue. Ses prises de caméra montrent qu'il est loin, qu'il est détaché du public et que sa sexualité est rejetée par ce public qui la refoule et qui ne l'accepte pas. Rémi, vers la fin du film, se révolte indirectement contre cette mentalité et ce discours patriarcal et déclare à Marc qu'il pourrait jouer la scène où il doit embrasser un mec, quelle que soit la réaction de son père. Il dit « Ce que je veux dire, c'est que ça va me faire chier, c'est tout. Mais on peut toujours faire des essais. » En acceptant faire des essais, Rémi décide enfin de dépasser la limite de l'individu objet dont parle Iriban pour réinterpréter ce regard et par la suite transforme l'identité qu'on lui impose. Autrement dit, Rémi est en train de reprendre le sens de son identité sexuelle de l'intérieur au lieu de l'accepter de l'extérieur. Le rejet de sa sexualité, des multiples espaces sociaux, religieux et culturels, le pousse à prendre sa décision et d'accepter au minimum un espace artistique qui est le film pour manifester sa queerness qui a tant été refoulée et rejetée. Ou pour reprendre Sartre tel qu'Iriban le cite, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. En effet, ce que Rémi est en train de faire à travers cette décision du coming out et de la sortie du placard est une révolte pour passer d'un état d'inauthenticité à un autre état d'authenticité selon Iriban. C'est-à-dire refuser et résister la soumission à l'ordre social et aux structures de l'oppression sociétale, patriarcale et faire, comme dit Sartre, son choix originel. Je vous remercie.